machine à l'amour et à la tolérance. Hymne à l'amour et à la tolérance. Ok. Avant toute chose, sachez bien que vous n'aurez pas ma haine. Bande de fils de pute, n'insistez pas, non, c'est pas la peine. Hymne à l'amour et la tolérance, c'est ça le projet. Quand ce grand homme qui était Pierre Berger nous a finalement quittés, je me suis dit yes, le dep est dead. Yes. Une pédale de gauche en moi, je l'aurais bien écrasé moi-même. Boîte automatique ou non, comme Martin Luther, j'ai fait un rêve. Dans lequel je roule en Mercedes et toutes les tapettes crèvent du dust. Dieu est grand, j'en atteste, immanente et sa justice. Et c'est pour ça que les deux l'anneaux et en puissance en font des nuits blanches. Jean-Luc Romero, je sais pas s'il faudrait le mettre au sidatorium. Mais ce que je sais, c'est qu'il a plus du souffle sur Gomorrhe et Sodome. C'est pas que je veuille holocauster les PD, mais leur place n'est pas auprès de Dieu, plutôt en enfer. Et peut-être que le plutôt serait mieux. Ils me traiteront d'homophobe alors que je suis plein d'empathie comme l'État islamique. Je veux juste aider les fiottes à prendre leur envol. Parce qu'en vérité, je suis pas si intolérant. J'ai des amis racistes, antisémites, même homophobes, y'a rien d'incohérent. Parce qu'en vérité, je suis pas si intolérant. J'ai des amis racistes, antisémites, même homophobes, y'a rien d'incohérent. Elle est folle cette époque, folle. Les putes se font appeler escorte. Moins d'un euro la capote, pourtant les salopes avortent. Le paradoxe c'est que les hétéros divorcent pendant que les pédales adoptent. Les trans sont fiers de leur dégénérescence. Derrière tout ça je vois la main de la secte Bernard Madoff. Toujours à l'avant-garde de la décadence. Ailleurs ou en France, le concept de peuple élu a pas été inventé par Adolphe. Bien sûr j'en place une pour tous ceux qui savent comment Ruquier enlève sa capote. Gromons un youpin quand il s'agit d'eux. Je dis pas il entre parenthèses, je les désigne en parlant clairement de l'époque où il portait des pins jaunes. Je suis nostalgique, c'est pour ça que j'écris mes lyrics comme un franco stylobique. J'ai arrêté de croire au Père Noël à 4 ans et la Shoah à 20. Bientôt en tournée dans toute l'Europe comme Tonton en 40. Bienvenue à Négropolis, paradis du vivre ensemble. J'ai une pensée pour mes frères noirs chaque fois que je libère le sol. Y'a rien d'incohérent. Parce qu'en vérité, je suis pas si intolérant. J'ai des amis racistes, antisémites, même homophobes, y'a rien d'incohérent. Peace and love.